Niomungere. Merci d'être d'avoir choisi la radio Sanganiélo. Bienvenue à cette édition en langue française. Voici les principaux titres. Certains endroits de la commune Mukaza, mairie de Bujumbura, connaissent une odeur nauséabonde causée par des déchets qui se déversaient partout suite à des conduits d'eau usés et regards bouchés. La population qui craignent des maladies demande la réparation de ces puits. Et le Burundi accuse une faiblesse dans la gestion des dons, ce qui affaiblit son éligibilité aux prêts extérieurs. C'est une analyse faite par un expert en gestion des organisations qui donne un exemple d'un don accordé au Burundi en 2019 et qui était consommé jusqu'à 21% en 2023. Et le parti au pouvoir demande à ces jeunes Imbonerakure d'éviter des exercices sportifs dans des endroits abritant les permanences des autres formations politiques. Le secrétaire général de ce parti rejette également les informations faisant état de la présence de ces jeunes sur le sol congolais. Et dans la chronique Parler, rassure-moi, Mireille Kanyang sera en commune Rugombo pour nous parler de l'importance du travail commun entre les jeunes de différentes tendances en vue de lutter contre les messages de haine. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je venais de vous le dire dans les titres que certains coins de la commune Mukaza, nous sommes à mairie de Bujumbura, connaissent une odeur désagréable suite à des conduits, des eaux usées, regards bouchés, des déchets qui sont déversés partout. L'exemple, c'est le cas de la 4e avenue de la zone Nyakabiga. La population dit être menacée par ces odeurs, craignant des maladies des mains sales. Cette citadin demande aux responsables de l'Obuha de faire son travail pour sauver les vies humaines. Le point avec Évariste Nzikobanyang. Le premier coin où le conduit des eaux usées a été bouché, c'est en zone Rohiro, sur le boulevard de Luprona, près de l'ex-bar et d'un Signat Club Havana. Les eaux usées en provenance des latrines et ménages se déversent dans ce boulevard et ceux qui travaillent dans les magasins aux alentours et ceux qui garent leur taxi-voiture disent faire face aux odeurs inhabituelles. La situation est pire aussi au quartier Nyakabiga 3, à la 4e avenue. Devant la parcelle numéro 15, à cet endroit, le regard a laissé déborder les eaux usées. Ça fait à peu près 2 mois, selon les témoins sur place. Les résidents disent avoir alerté les autorités administratives, mais rien n'a été fait. Jusque-là, ils craignent des maladies de mains sales suite aux odeurs nauséabondes. Nous parvenons à vivre parce qu'il n'y a pas d'autre alternative que nous faisons. Ça fait combien de temps que ces eaux usées ont débordé? Ça fait presque 2 mois au plus. Vous avez alerté les autorités? Les autorités locales le savent, mais le chef de zone le sait. Moi-même, j'ai lancé cet appel, mais en vain, pas de réplique. Qu'est-ce que vous craignez? Nous craignons d'être attaqués par des maladies infectieuses comme le choléra et d'autres. Que ce soit en zone Nerohero, que ce soit à Nyakabiga, tous les résidents interpelle l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au bois en sigle de venir dans les plus brefs délais réparer ses regards afin de sauver les vies humaines. Je pense que le bois est au courant parce qu'avant, nous avons remarqué des travailleurs de bois venaient de mesurer la couvercle parce que le premier couvercle était cassé et nous l'avons vu, ils sont partis comme ça. Et c'est pourquoi après, les eaux usées sont de retour. Nous demandons à l'Obuha de nous faire secourir dès qu'ils entendent cet appel. Même en zone de Bouyenzi, des eaux usées débordent dans la rue qui mène vers l'usine Amatla Exim et atelier de menuiserie et de soudure. Ces eaux usées forment une flaque dans le boulevard du 1er novembre. Ceux qui arrivent à cet endroit, à bord leur véhicule, ont tendance à fermer les vitrines suite à ces odeurs nauséabondes. Évariste Nzikobanyang, le Burundi accuse une faiblesse dans la gestion des dons, ce qui affaiblit son éligibilité auprès extérieurs. C'est une analyse d'un économiste et expert en leadership et gestion des organisations après les propos du ministre des Finances devant l'Assemblée nationale du Burundi expliquant qu'actuellement le Burundi n'est pas éligible auprès extérieurs. Diomède Ninhérété donne l'exemple du don de plus $1 milliard qui a été accordé au Burundi par la Banque mondiale en 2019 et qui était consommé jusqu'à 21% en 2023. Suivez-le au micro de Lydie Gahimbari. Le Burundi se retrouve dans un contexte d'incapacité de remboursement des crédits. Et cela Pour histoire, en 2008, le Burundi a bénéficié de l'allègement de la dette. Parce que le Burundi se trouvait parmi les pays les plus pauvres du monde et le plus endetté. Alors à ce moment-là, les institutions de financement, la Banque mondiale et le FMI, avaient décidé alors que ce montant devrait être orienté vers vers l'éducation, vers la santé. Et à ce moment-là, on a connu quand même une croissance économique de 5%. Et de là, le Burundi n'a plus bénéficié d'un appui budgétaire de la communauté internationale. Sauf qu'à un certain moment, il y avait des dons. Mais alors, le gouvernement a fait face à une mauvaise gestion. De 2019 à 2023, le Burundi a veillé un don de 1,3 milliard de la Banque mondiale pour exécuter certains projets de la santé, de l'énergie solaire. C'était un montant énorme. Plus d'un milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent. Mais alors, au mois de mars, je crois, si je ne me trompe pas, il y a eu une évaluation de la mise en œuvre de ces projets. Nous avons constaté que l'exécution budgétaire est estimée aujourd'hui à 21%. Pour un montant de 1 milliard. Et c'est beaucoup d'argent. Même si on se lamente qu'on n'a pas de devis. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu effectuer certaines activités qui pouvaient aussi, en tout cas, influer les caisses de l'État par rapport aux devis. Alors, ça, c'est le constat. Mais alors, le FMI, je crois en 2022, est venu dans une mission pour évaluer effectivement la qualité de la mise en œuvre de certains projets. Il avait constaté que le Burundi était plus endetté et que par conséquent, c'était la dette intérieure. Ce que nous avons appelé à l'époque l'effet d'éviction, qui le gouvernement contractait de crédit au niveau des banques commerciales. Et finalement, le privé n'a pas le droit de chance d'avoir un crédit minimisé, parce que effectivement, les banques commerciales préfèrent donner à l'État qui a émis les bons de trésor à travers la BRB. Ça, c'est une recommandation de la FMI. Pour leur dire, le Burundi a arrêté de contracter les crédits au niveau interne. Je crois que alors ces réformes, bien sûr, sont en cours. Et je me dis que ça va peut-être aussi améliorer les conditions économiques du Burundi. Le Burundi ne peut pas avoir un crédit parce qu'il n'est pas à mesure de rembourser. Parce qu'il n'est même pas à mesure de bien gérer même les dons. C'était Diomède Nineretse. Il est économiste et expert en leadership et gestion des organisations. Environ 600 bouteilles de liqueur dont le degré d'alcool dépassait 600 ont été saisies dans une opération de fouille et perquisition menée par la police ce mercredi dans la ville de Kayanza. Parmi ces liqueurs saisies se trouvent des bouteilles de type Safari Waragi, Safari Whisky et Caribou. Dans la même opération, des boissons importées périmées ont été également saisies. Des sources policières à Kayanza indiquent que ces fouilles contre ces boissons rentrent dans le cadre de la mise en application d'une décision du ministre de l'Intérieur du 29 novembre 2023, reprenant la correspondance du ministre du Commerce interdisant la vente de ces liqueurs dépassant le degré d'alcool de 16% dans des boutiques et bars ordinaires pour être emballés dans des bouteilles de 75 centilitres. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Dans la suite de ce journal, les 18 ménages de la colline Nzové en commune Mumba de la province Ngozi réclament leur propriété foncière occupée par l'église anglicane. La population de cette localité dit avoir acheté ces parcelles en 1978 lors de la politique de villagisation pour les occuper jusqu'en 1993 lors de la crise. La représentation de l'église anglicane sur terrain ne reconnaît pas ces achats. Lors d'une descente sur terrain ce mercredi du gouverneur de la province Ngozi, Désiré Minani conseille la création d'une commission mixte pour réconcilier les deux parties. Le point avec Apollinaire Muzagar. Ces 18 ménages reconnaissent que cette propriété foncière appartenait avant à l'église anglicane. Lors de la politique de villagisation de feu président Bagaza, ces habitants disent qu'ils ont acheté des parcelles de 30 mètres sur 20 à raison de 7500 francs. Des parcelles vendues selon eux par un envoyé de cette église. C'était en 1978. Ils ont construit des maisons qui ont été détruites selon la population de cette localité en 1993 après la fuite, les uns vers le pays voisin, les autres à l'intérieur du pays de retour. Ils ont trouvé leurs parcelles occupées par des plantations d'arbres de cette église anglicane. Lors d'une descente du gouverneur de la province Ngozi dans cette commune, des pasteurs de cette église n'ont pas reconnu cet achat, d'où le gouverneur Désiré Minani leur a conseillé la création d'une délégation de chacune des deux parties pour tenter la médiation ce mardi prochain et d'emprunter le chemin de la justice en cas d'échec. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Apollinaire Muzagara est le secrétaire général du parti au pouvoir CNDD-FDD, indique que son parti dispose d'un cadre de redressement de ses cadres nommés pour des fonctions et qui n'accomplissent pas correctement leur mission. Au cours d'une conférence de presse et répondant à la question relative aux lamentations du président de la République contre certains cadres de son parti, c'était ce mardi, Réverien Dikuriyo invite les jeunes Imbonerakure de ce parti de faire des exercices sportifs dans d'autres espaces autres que les endroits abritant les permanences des autres formations politiques. Le point avec Jean-Marie Mayong. Lors de la présentation des réalisations du parti CNDD-FDD, le secrétaire général de ce parti, Réverien Dikuriyo, est revenu sur les grognes du chef de l'État, disant qu'il travaille seul. Le secrétaire général a précisé que pour le cas des cadres qui n'accomplissent pas comme il faut leur mission, souvent sont appelés et leur prodigués des conseils avant d'être démis de leurs fonctions. Nous avons demandé au chef de l'État que tout le monde, que ce soit les membres du parti ou pas, qui n'accomplissent pas comme il faut leur mission, de les renvoyer chez nous pour que nous les corrigions. Quelqu'un qui est démis de ses fonctions, c'est parce qu'il a exagéré et pour la majorité, on leur change de poste et on les conseille. Le problème qu'on a est que personne ne reconnaît qu'il est incapable de faire le travail qu'on lui a donné. Mais cela ne pose pas problème, on va y remédier. Quant à la question des jeunes Imbonerakure qui font du sport à côté de la permanence du parti CNL, le secrétaire général du parti CNDD-FDD les a invités à ne pas passer à côté de cette permanence pour éviter des querelles, mais qu'il faut faire du sport dans les autres endroits, à savoir Kamenge ou Agishingano. Nous avons déjà entendu cette situation à Mutanga. Je voulais dire que cela ne peut pas causer des mésententes. J'ai demandé à celui qui est chargé des jeunes de voir comment ne pas passer à côté de la permanence du CNL. Il faut les laisser travailler et éviter de passer à côté de leur permanence. En Ngozi et ailleurs, les jeunes du parti CNL et ceux du CNDD-FDD ont une bonne cohabitation et sont dans les mêmes coopératives. Il n'y a aucun problème. Réverien Dikuriyo a refusé qu'il y a des jeunes Imbonerakure en République démocratique du Congo, mais plutôt qu'il y a des forces militaires. Il a signalé qu'au Congo, il y a des cultivateurs burundais et que bientôt, contrat de travailler en coopérative sera signé entre les deux pays pour y exercer des activités champêtres dans le respect de la loi. Au cours de cette conférence, Réverien Dikuriyo s'est exprimé sur la vie chère où il a invité des Burundais à s'atteler au travail pour augmenter la production. Jean-Marie Mayonga, page sécurité, avant de parler de cet triste anniversaire de Christophe Matata, le commissaire communal de la police à Guiharo, en commune Rutana, a été tué au cours de la nuit de ce mardi par des personnes non encore identifiées. Selon le porte-parole de la police nationale du Burundi, Mukeshimana Jafet a été tué à coups de machette lorsqu'il se rendait dans son champ pour payer le salaire à son veilleur qui était ancien propriétaire du même champ. Désiré Ndouimana précise que 8 personnes, dont la femme de ce veilleur, jusqu'ici en cavale, ont été saisies pour enquête. Et 3 janvier 2011 au 3 janvier 2023, 13 ans déjà de la mort de l'artiste Jean-Christophe Matata, qui à travers sa musique a lancé des messages basés sur le patriotisme, le droit de l'homme, surtout celui de la femme, l'unité des Burundais et l'amour. Sa voix et sa musique ont traversé les frontières dans le monde entier, à commencer par les pays des Grands Lacs. Matata Christophe a rendu son âme le 3 janvier 2011 au cours d'une tournée musicale rassemblant la communauté burundaise vivant en Afrique d'ici de le point sur ce triste anniversaire avec Christian Savie. Treize ans après la mort de l'artiste Jean-Christophe Matata, ses idées et son message continuent à inspirer la nouvelle génération d'artistes. Matata est né à Kinama en 1960 et grandit entre Kamenge et Kinama en jouant à la percussion, utilisant des instruments fabriqués par lui-même à partir des petites caisses de résonance, boîtes à lait, nido, qu'il boucle lui-même à l'aide des sachets. Il approche ses aînés dans la musique en 1982, les Guillaume, Emma, Mungelele, Babasele et les autres, dans l'orchestre Pronostic. Après, Matata évolue dans l'orchestre Mihigo des Grands Lacs. Il décroche beaucoup de contrats, il se produit sur plusieurs scènes régulièrement, comme la scène de Sources du Nil, Novotel, Borsarino, quelquefois Kukirimba et à l'Entente, etc. Il devient une grande star avec l'orchestre African Air Band et signe un grand contrat avec le parti au pouvoir de l'époque, l'UPRONA. Il va par la suite se produire au Rwanda, rencontre le grand arrangeur burundais du nom de Aaron Tunga et fait des va-et-vient sur Bujumbura et Kigali pour se produire sur scène. À cause de la crise de 1993, il migre à Bruxelles, mais continue à exporter la musique burundaise sur des scènes internationales. Il décide de rentrer au pays, passe quelques années à exécuter quelques projets musicaux. Jusqu'en décembre 2010, il se rend en Afrique du Sud pour un contrat de 4 concerts dans 3 villes de ce pays, Durban, Cape Town et Johannesburg. Après son dernier concert, épuisé, il va directement à l'hôpital et rend l'âme le lendemain, le 3 janvier 2011, à cause d'une infection pulmonaire. De père congolais et de mère rwandaise, Matata avait choisi le Burundi comme sa patrie, puisqu'il s'est toujours présenté comme burundais dans plusieurs spectacles dans ses tournées mondiales. Nous sommes tous des frères. Parle, rassure-moi. Le travail commun des jeunes d'opinions politiques et religieuses diverses peut barrer la route aux messages haineux. C'est une affirmation des jeunes de la commune Rugomba en province Chibitoke. Sinon, indique-t-il, la communauté, voire le pays, peut en souffrir. De son côté, Firmin Harumuremi, secrétaire permanent en commune Rugombo, estime que ces messages n'ont pas de place pour les jeunes ayant même objectif à atteindre. Plus de détails dans cette chronique par les rassurements avec Mireille et Kanyang. Des jeunes de la colline Munika 2 en commune Rugombo de la province Chibitoke, ils disent travailler dans des coopératives et sont complémentaires malgré leur provenance politique et religieuse diverse. Les activités communes pour ces jeunes est l'une des voies de lutter contre les messages haineux, affirme-t-il. Quand vous vous mettez ensemble, ça peut freiner la haine et vous avancez ensemble. Cela diminue les messages de dénigrement et de la haine. Parce que, étant dans une même association, il y a certes épargne et crédit, mais aussi on se dit qu'éventuellement. Par exemple, on traçait une route, il y avait des divisions entre les CNDD, FDD et les CNR. Certains se méfiaient des autres. Avant, c'était dur, mais aujourd'hui, on y va. Tout le monde participe aux travaux. Nous sommes satisfaits. Si un groupe travaille en solo, ceci peut réveiller de la haine chez d'autres groupes. Du côté de l'administration, Firmin Habumuremi, secrétaire communal permanent, affirme que le travail dans ces coopératives limite ce genre de messages. Nous savons que les coopératives sont inclusives. Dans ce sens, ils ont une même visée. Les messages de haine ne peuvent pas avoir lieu puisque les activités préparées ensemble ne seraient pas faites. Si les jeunes de diverses tendances se mettent ensemble, ça barre la route au message haineux. Ils s'entraident et s'enrichissent mutuellement. Des réunions pour appeler d'autres jeunes à un travail inclusif est aussi un moyen de limiter des divisions dans la communauté, poursuit-il. Mireille Kanyang, point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à la Aïdik Ouimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Placide Niamongele. Au revoir.